Qu'est-ce qu'il y avait comme production au début? Qu'est-ce que vous faisiez? Il y a toujours eu les céréales, les pommes de terre aussi au départ. Que vous vendiez? Pommes de terre de sélection. Sélection. Et ça, c'était pour subvenir, enfin, c'était des ressources financières. Oui. Et comme ressources financières, vous aviez ça. Oui, les cochons que l'on vendait. Les cochons. Le lait. Nous, on vendait la crème au départ. Oui. Ça a commencé comme ça, on vendait la crème au départ. Et après, le lait. Depuis quand on vend du lait? Ça fait longtemps déjà. Ça, depuis quand les laiteries. La première laiterie, elle est arrivée à Châteaulin, c'est. Gila. Chilap, c'est. Donc, ils ont installé un bac, quoi. Non, non, non, mais c'était en pot. Au pot En au pot. départ. C'était en pot, on a Ah lu. oui. Oui. Pour D'accord. celui qui chargeait, c'est. Fallait vraiment qu'il Ah ait. oui, Oh ouais, le c'était costaud. dur. Le pot plein, comme ça, 20 litres, il était lourd. C'est ça, et puis même pour traire, donc on travaillait au pot d'abord. Donc il fallait vider le pot qui servait à traire dans le pot dans le pot en aluminium avec l'espèce de passoire. Oui, il y avait une passoire. Ça, c'est le lait entier Oui, oui, qui partait. oui. Et après, donc on a installé le transfert. Oui. Donc il n'y avait plus besoin De de transporter. charrier des pots de lait. Et le lait allait Un bac. dans un bac. Oui.